écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut bien acclamer ce Dieu. C'est Dieu qui écoute nos prières. Telle a été notre prière. Et lui confie nos vies. Amen. On va ensemble vers la prochaine mélodie, faire une autre prière, mais cette fois-là pour dire à Dieu, Seigneur, nous voulons grandir. Nous voulons apprendre à adorer ton saint nom et demeurer dans ta sainteté. Demeurer dans la sainteté du Seigneur, c'est tel est le sujet même et la raison d'être de Maroc dans la sainteté. Bonsoir et bienvenue ce soir dans Maroc dans la sainteté. Frère Merci, tente de manger directement, il a déposé le plat. Installez-vous confortablement, nous commençons dans quelques instants. Yeah.

C'est pour cela que je vais vous en dire.

cœur, car il a donné Jésus-Christ son Fils. Maintenant, le pauvre dit,